Fanny ne racontait pas à beaucoup près à Milbert tous les chagrins qu'elle éprouvait déjà, ni ceux qu'elle prévoyait dans l'avenir. La servante de la maison avait vu sortir Eugène la nuit que les deux amants s'étaient dit adieu, et un jour que Fanny la réprimanda de n'être rentrée que fort avant dans la nuit, elle répondit avec assurance « C'est que les personnes que j'ai à voir ne viennent pas me trouver par la fenêtre. » Fanny devint si pâle à ces paroles que cette fille en fut épouvantée et qu'elle ajouta « Rassurez-vous, mademoiselle, je n'ai jamais dit un mot à personne. » Fanny, dans son trouble, la tête égarée, lui mit dans les mains tout ce qu'elle avait d'argent. De ce jour, elle fut dans la dépendance d'Élisabeth, obligée d'atténuer ses fautes aux yeux de Madame Gautreau, de l'aider même à sortir ou à rentrer à des heures indues. Elle ne tarda pas à s'apercevoir d'un dérangement dans sa santé, que dans son ignorance elle attribua au chagrin. Sa mère lui dit plusieurs fois « Mais qu'as-tu, Fanny, comme tu es pâle? As-tu mal? Où souffres-tu ? » Mais un matin, Élisabeth lui dit « Mademoiselle, il faut prendre un parti. Nous ne pourrons bientôt plus cacher à votre mère. » « Quoi donc, Élisabeth ? Mademoiselle veut rire. Non, vraiment ? Comment ? Mademoiselle ne saurait pas ? Quoi donc ? Qu'est-ce que nous ne pourrons pas cacher à ma mère ? Et mademoiselle, l'état où vous êtes, qui n'est plus un mystère que pour vous, ce qui est bien singulier, et pour Madame Gautreau. Oh mon Dieu, que voulez-vous dire, Élisabeth ? Que mademoiselle est grosse et qu'il est bien étonnant. » Fanny était tombée à la renverse sur le parquet. Quand elle revint à elle, elle écrivit à Milbert. Ce n'est plus la poste qui vous porte cette lettre, mon ami. C'est un express qui a ordre de faire toute la diligence possible. Tous nos projets sont détruits, tout est changé. Il faut que vous arriviez cette nuit à Montreux, que je m'enfuie avec vous, que je disparaisse jusqu'au jour où je pourrai me montrer comme votre épouse. Venez bien vite. Votre triste Fanny souffre un horrible martyre de crainte et de honte. Venez, venez la sauver. Elle prit un prétexte pour ne pas descendre déjeuner. Son père et sa mère dînaient chez M. Rignoux. Elle passa toute la journée renfermée dans sa chambre, agitée par une fièvre violente. Par moments, restant assise sans mouvement, puis tout à coup se levant et réunissant dans une petite caisse les objets qui lui étaient indispensables pour sa fuite. Le porteur de la lettre revint. Fanny dit à Élisabeth de la laisser seule avec lui. Elle ne voulait pas lui faire voir sur son visage tout ce qu'elle éprouvait d'horribles angoisses. Élisabeth sortit de mauvaise humeur. « Mademoiselle, dit le commissionnaire, le monsieur n'y était pas, mais voici une lettre de lui qu'on allait mettre à la poste pour vous. Je m'en suis chargée. » Fanny prit la lettre en tremblant et rompit le cachet avec l'émotion que doit éprouver un homme qui appuie sur la détente du pistolet placé sur son front. Voici ce qu'elle contenait. « Je pars dans quelques heures. Monsieur Saunders me faisait appeler pour me proposer une mission importante. Si elle réussit, ce sera une bonne affaire pour nous. Cela me mettra en voie de gagner un peu d'argent, et d'ici un an ou deux, d'avoir une position convenable. Adieu, mon ange, adieu, ma femme chérie. Je pars plein de courage et de joie. Je vais en France, à Lyon d'abord, puis à Paris. Adieu. » Fanny resta quelques instants atterrée, puis dit au commissionnaire « C'est bien. » Elle le paya, et il sortit. Élisabeth rentra aussitôt en disant « Eh bien, mademoiselle ?» Fanny lui répondit « Tout va s'arranger. Laissez-moi seule. » Une fois seule, la pauvre fille examina tout ce qu'il y avait d'horrible dans sa situation. Dans son trouble, elle n'avait pas songé à la façon dont elle se compromettait vis-à-vis du messager. D'ailleurs, elle croyait partir la nuit même. Cet homme et Élisabeth savaient tous deux son secret. Et d'ailleurs, tout le monde ne le savait-il pas? Elle se rappelait les paroles de sa servante. « Il n'y a que votre mère et vous qui l'ignoriez. » Elle en avait donc entendu parler. Elle savait donc que d'autres s'en étaient aperçus. Chaque jour, d'ailleurs, lui donnerait de nouveaux confidents. Et puis à la fin, que faire? Que devenir? La fuite seule était possible avec Milbert. Mais il est parti, parti pour longtemps, parti heureux. Pauvre fille, seule, sans appui, sans conseil, sans secours. Son père la tuerait, sa mère ne saurait en faire un mystère à son mari, la conclusion de toutes ses pensées fut celle-ci, « Je suis perdue. » Puis elle se disait, « Mais c'est impossible, c'est un rêve affreux, tant d'événements depuis un jour, cela n'arrive pas ainsi dans la vie réelle, je vais me réveiller. Mais non, c'est vrai, tout est vrai, je suis perdue et déshonorée, seule, abandonnée de Milbert. Oh mon Dieu, Comment se fait-il que ce qui m'aurait donné tant de bonheur, dans un an peut-être, soit aujourd'hui un sujet de désespoir et un arrêt de mort ? Elle se jeta à genoux et pria, puis elle se releva. « Pourquoi prier ? Qu'ai-je à demander à Dieu ? Maintenant tout est fini et je suis perdu. Il faut mourir, il faut mourir. Pauvre Jeanne, quand il saura cela, sa femme et son enfant, nous aurions été si heureux. » Elle pleura, puis tout à coup, « Oui, mais cette fille, cette odieuse confidente, cet homme, tout le monde, je n'oserais plus sortir de la maison. Et ma mère, mon père, je n'oserais plus sortir de ma chambre. D'ailleurs, ils me maudiront, ils me chasseront. Je n'ai plus d'asile que dans le sein de Dieu, et lui-même ne me repoussera-t-il pas ? Il n'y a pas un seul devoir auquel je n'ai manqué, et c'est par un nouveau crime que j'échappe à ma punition sur la terre. » Elle ouvrit son livre de prière pour y chercher des pensées sur la mort et sur la miséricorde de Dieu, et elle lut « Ordre pour la sépulture des morts. » Cet office ne doit point se dire pour ceux qui meurent sans avoir été baptisés, ni pour les excommuniés, ni pour ceux qui se sont défaits eux-mêmes. « Oh mon Dieu, l'Église elle-même refusera des prières. Mon Dieu, qui priera pour moi ?» Elle pleura encore longtemps, puis tout à coup elle releva la tête. Elle repassa encore dans sa mémoire tous les malheurs et toute la honte qui s'étaient amassés sur elle, et elle dit « Mon Dieu, vous voyez bien qu'il faut que je meure. » À ce moment, Madame Gautreau entra dans sa chambre. Elle l'avait vue pâle et abattue depuis plusieurs jours. Elle était inquiète, et le fut bien davantage en la revoyant baignée de larmes. Elle la prit dans ses bras, la caressa, lui demanda affectueusement ce qu'elle souffrait. À ce moment, Fanny eut envie de se jeter à ses pieds et de tout lui avouer. Mais Madame Gautreau ajouta « Dis-moi ce que tu as, ma chère enfant. Tu ne peux rien avoir à te reprocher de ces choses qu'une mère ne peut pardonner. Je suis sûre que c'est quelque folie que tu t'exagères. Toi, si sage, toi, dont je disais encore aujourd'hui à dîner chez les Rignoux, que si ce n'était pour le monde, je te confierais à toi-même ta propre surveillance, tant je suis sûre de toi. » « Allons, allons, » pensa Fanny. « Plus de lâcheté, il faut mourir. »« Ma mère, » dit-elle, « j'ai appris la mort d'une amie avec laquelle j'étais en pension à Genève, et chaque nuit je suis tourmentée de rêves affreux. Je voudrais faire dire des prières pour elle. »« Quoi ?» dit Madame Gautreau. « C'est là le sujet de ton chagrin ? Pauvre enfant, que ne le disais-tu plus tôt ? Tu serais venu coucher près de moi, on t'aurait tâché de te distraire. Tiens, je t'aurais forcé de venir chez les Rignoux. Le dîner a été très gai. Ma mère, je voudrais faire dire des prières pour cette pauvre fille. Eh bien, mon enfant, nous irons demain matin chez le ministre. Veux-tu y venir ce soir, ma mère ? Je dormirai mieux cette nuit. Il est bien tard, mais si tu le veux, absolument. Ma mère, que tu es bonne, tu n'en parleras pas à mon père, n'est-ce pas ? Non, il dirait que nous sommes deux folles. Dépêchons-nous. » Fanny mit un châle et un chapeau et sortit avec sa mère. Elle avait insisté pour faire cette démarche le soir, parce que depuis la révélation que lui avait faite sa servante, il lui semblait que tout le monde voyait sa honte. Elle s'enveloppait dans son châle avec soin et marchait si vite que sa mère pouvait à peine la suivre. On arriva chez le ministre, qui allait se coucher. Madame Gautreau lui expliqua qu'une amie de sa fille était morte à Genève, qu'elle en était fort tourmentée depuis plusieurs mois et qu'elle désirait qu'on dît dans l'église quelques prières pour la morte. Le ministre dit que rien n'était plus facile et demanda s'il leur serait indifférent que ces prières fussent dites dans l'après-dîner. Fanny pensa avec une triste satisfaction qu'elle n'aura plus à sortir le jour. Elles remercièrent le ministre et rentrèrent sans que M. Gautreau eût pu s'apercevoir de leur absence. Fanny embrassa sa mère avec une étreinte convulsive que celle-ci attribua à sa reconnaissance pour la démarche qu'elle venait de faire. « Pauvre mère, » dit-elle lorsqu'elle fut seule, quand elle saura que c'était pour sa fille qu'elle allait demander des prières. » Élisabeth entra sous prétexte de la déshabiller, mais pour lui dire « Eh bien, mademoiselle, vous venez de chez le ministre avec votre mère. Tout va donc bien ?»« Oui, Élisabeth, tout va bien. » »« Votre mère consent donc au mariage ? » ?»« J'en suis bien contente, voyez-vous, car maintenant, puisque c'est arrangé, je puis vous le dire, on parlait dans le pays et si mal que j'avais envie de quitter la maison. Sait-il que votre mère consent ?» « Laissez-moi, Élisabeth, et couchez-vous. J'ai à écrire. » « Vous le voyez bien, mon Dieu ? » dit-elle en joignant les mains quand elle fut seule. Vous le voyez bien, mon Dieu, qu'il faut que je meure. » Elle écrivit à Eugène Milbert. « Eugène, lui disait-elle, quand vous lirez cette lettre, le cœur qui vous aimait tant aura cessé de battre. C'est aujourd'hui mercredi et il est 10 heures du soir. Demain, jeudi, à 10 heures du soir, la main qui trace ces lignes sera glacée. Demain, je serai morte. J'aurai expié notre faute en cette vie et je saurai quelle expiation je dois dans l'autre. Eugène, nous avons été bien coupables, mais je vous aimais tant et vous étiez si heureux. Ce que j'ai souffert depuis que je connais les suites de ma faute, depuis que ma honte est publique, ce que j'ai souffert est tellement horrible que j'espère que Dieu s'en contentera pour me pardonner. Si vous aviez été là, je me serais enfui avec vous, j'aurais vécu dans le crime, et je vois avec effroi tout ce que j'y aurais trouvé de bonheur. Je ne me serais peut-être pas repenti. Votre absence, qui m'a donné tant d'espoir, est peut-être une permission de Dieu pour que je meure repentante et punie. Eugène, je vous ai bien aimé. La légèreté de mon esprit n'ôtait rien au sérieux de mon cœur. Priez pour moi, et si Dieu me pardonne, je prierai pour vous dans le ciel. » Elle passa le reste de la nuit à songer à la mort. Elle se représentait tour à tour le moment où l'on retrouverait son corps. Elle avait résolu de se jeter dans le lac. Le désespoir de sa mère, celui de Milbert, elle priait Dieu de lui permettre de voir ses regrets et de les adoucir. « Si notre âme, pensait-elle, peut revenir sur la terre, je resterai près de lui. » Puis elle regardait son corps et se disait « Morte, je serai morte, froide, insensible. » Puis elle pleurait et pensait à parler à sa mère. Puis elle se rappelait les paroles d'Élisabeth et se disait « Il faut mourir, il faut mourir. » Le matin, elle s'endormit, épuisée de fatigue. Quand elle se réveilla, elle espéra un moment encore que tout ce qu'elle avait éprouvé la veille était un songe. Mais elle remit ses idées en ordre et l'affreuse réalité lui apparut tout entière. Elle se rappela toute sa vie, surtout depuis la première fois qu'elle avait vu Milbert. Ses yeux tombèrent sur cette table sur laquelle ils avaient dîné tous les deux. « Cela va bien accroître ce préjugé, dit-elle. On dira que malgré la séparation des tables, nous étions très à dîner et que quelqu'un devait mourir dans l'année. Morte, redisait-elle encore. Ce n'est plus demain, c'est aujourd'hui, dans quelques heures. Oh, ma mère !» Et un frisson d'horreur lui parcourait le corps. 20 fois dans la journée, elle pensa à sa mère. Elle voulut tout avouer et ne pas mourir. 20 fois, debout pour descendre, elle retomba sur son fauteuil, plus effrayée encore de ce qu'elle avait à dire que de la mort. À dîner, son père lui dit « J'espère que tout ce trouble aura disparu demain. » Madame Gautreau lui dit « J'ai tout conté à ton père, il ne m'a pas trop grondé. » Et Fanny pensa que si elle avait dit la vérité à sa mère, M. Gautreau l'aurait apprise de même. « J'attends Éloi aujourd'hui, » ajouta M. Gautreau. « Probablement, nous ne le verrons que demain. »« Il ne me verra pas, » se dit Fanny. « Il ne verra pas ma honte. » Après le dîner, elle annonça qu'elle allait à l'église. « Veux-tu qu'Élisabeth t'accompagne ?» demanda sa mère. « Merci, ma mère, j'aime mieux être seule. » Elle embrassa sa mère avec effusion, et aussi son père, quoique ce ne fût pas son habitude. Puis elle sortit. Le soleil se couchait, et le lac était parsemé de glacis bleus et jaunes. « Oh mon Dieu, » dit-elle, « ce lac, que j'ai tant de fois admiré, devait donc être mon tombeau. » Elle frissonna, s'appuya contre un arbre. « Que cela est beau, » dit-elle, « que la nature est majestueuse. Quel beau cadre pour le bonheur et pour l'amour. » Elle entra dans l'église. Le prêtre n'y était pas encore, et il ne tarda pas à arriver. Il n'y avait personne qu'une vieille femme qui, la tête basse, marmottait des prières entre les dents. On alluma 2 cierges, et le ministre commença les prières du culte protestant. L'église de Montreux est, au dedans comme au dehors, d'une noble simplicité. La voûte est formée d'arceaux gothiques peints en gris, je ne sais trop pourquoi, sur le reste du bâtiment qui est blanc. À moitié de la hauteur est une galerie avec des balustres. Il y a un beau buffet d'orgue et une chaire en bois sculpté, mais elle était, ce soir-là, vide et silencieuse. Voici les paroles du prêtre. « Ô Dieu, très puissant et très miséricordieux, ne nous livre point aux douleurs de la mort éternelle. Sois-nous propice, mon Dieu. Ne permets pas qu'à notre heure dernière, nous soyons séparés de toi, quelque douleur de mort que nous endurions, puisqu'il plaît à Dieu, en sa grande miséricorde, de retirer à lui l'âme de notre très chère sœur, nous déposons son corps dans le sépulcre, la terre à la terre, la poussière à la poussière. Puis on chanta. Bienheureux sont les morts, car ils se reposent. Seigneur, ayez pitié de nous. Dieu Tout-Puissant, avec qui vivent les esprits de ceux qui meurent, nous te rendons grâce de tout notre cœur de ce qu'il t'a plu de retirer notre sœur des misères de cette vie et de ce temps. Nous ne devons pas nous affliger à l'égard de ceux qui dorment dans le tombeau, comme si nous n'avions pas d'espérance. Venez, les bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Ces dernières paroles, qui sont la fin de la prière pour les morts, dans la liturgie protestante, furent prononcées par le ministre d'une voix pleine et majestueuse, tandis qu'il avait doucement psalmodié ce qui précède. Fanny, la tête déjà troublée par les terribles émotions auxquelles elle avait été en proie, crut entendre la voix du Fils de Dieu qui l'appelait. Elle sortit de l'église, pâle, répétant convulsivement toutes les prières qu'elle avait apprises dans son enfance. Il faisait alors tout à fait nuit. Elle descendit par le chemin qui gagne la route de Genève. Là, elle aperçut le lac calme, noir, silencieux. Elle fut saisie d'horreur. Elle tomba à genoux. « Oh, Milbert, » dit-elle, « adieu, adieu. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mon Dieu, ayez pitié de moi. » Et sans regarder plus longtemps le gouffre qui allait lui servir de sépulture, elle croisa ses bras sur sa poitrine et se précipita dans le lac. D'ordinaire, les poètes racontent, dans les scènes de ce genre, que la nature est en deuil, que le ciel se voile, que les branches des arbres s'abaissent. Historien véridique, je suis forcé de dire que la nuit resta belle et sereine, que les étoiles continuèrent à scintiller, que le chèvrefeuille de la terrasse de Montreux ne cessa pas d'exhaler son parfum et qu'un rossignol caché sous ses fleurs n'interrompit pas sa chanson amoureuse. Aux yeux de la nature, la plus charmante femme du monde qui disparaît dans le lac de Genève, ce n'est rien de plus que cette mouche qui se noie dans votre verre.